une cagoule. C'est une cagoule. C'est une cagoule. Une cagoule et des gants. Passe-moi même quelques balles. Si tu crois qu'on plaisante, qu'est-ce bien c'est quoi les balles. Une cagoule et des gants. Passe-moi même quelques balles. Une cagoule et des gants. Passe-moi même quelques balles. On s'en parle. Quelques balles. On s'en parle. Quelques balles. On s'en parle. Quelques balles. On s'en parle. Quelques balles. Je sais pas ce que j'ai, ni ce que je fais, mais qu'est-ce qui me prend? J'ai de la poudre dans le nez, un gun chargé, mon visage cagoulé, une haleine d'enfoiré. Mon Dieu, je deviens taré. Je rêve de gun et de balles, de meurtre de flics et de larmes, de meurtre de flics et d'armes. On vient de m'amputer mon âme, je me sens déjà dans les flammes. C'est les bras ouverts que m'accueille le chétan. Mon crime est aussi ouf qu'un dealer de cam. Mais qu'est-ce qui me prend? C'est mon cerveau qui crame. Je crois que je deviens comme Coupelle, putain. Et c'est ma vie que je mets en jeu pour de l'oseille, putain. Comme un gun, comme un gun, comme un gun, Renoir. Demande pas son âge à un petit qui pointe le gun sur toi. Une cagoule et des gants, passe-moi même quelques balles. Si tu crois qu'on plaisante, qu'est-ce bien c'est quoi les balles. Une cagoule et des gants, passe-moi même quelques balles. Une cagoule et des gants, passe-moi même quelques balles. On s'en parle. Quelques balles, on s'en parle, quelques balles, on s'en parle, quelques balles, on s'en parle, quelques balles. 8 mm au minimum pour le mettre, entre le bide et la ceinture pour le meilleur coup de mètre. Mais le thermomètre attrait comme un soupeau sous paramètre, un mec qui n'a pas le droit d'honnête, être ou ne pas être borné ou ne pas être morné. Vient en mort vivant et font comme un enfant de corne. Désormais, on met de l'or dans le désormais. Les gains de la cagoule a fait du chemin du soleil au sommet. Les gants font l'empreinte dans le cercle des pros. Les gars dans l'enceinte font risquer leur peau. C'est le dû à défaut, vrai et dit à défaut. Qui font comme des fous au défi de ses va défauts. Solution pour les folles dans la fuite. Faute de bon sens d'un début à sa suite. Histoire de bonhomme, du courage à la cuite. 8 degrés 6 sous pression et 38. Entre grand et lâcheté, entre pont pour acheter. Vie gratuite sans enchère, l'âme des chefs pour l'acheter. Qui veut m'entrer dedans, fait sortir le pied devant. Si viens vous sarcasme, mon tapis en coup de vent. Chip élégant, quand je dois enfiler les gants pour mettre en boîte un gars. Voir ma boîte à gants, t'as l'idée de ton scoop comme un cheveu dans la soupe. Tu pisses dans mon crâne et tu vois que tout est en floupe. Délicat dans le crime quand ça donne. Bat le père en silence si ça sent, ça déconne pas de bruit. A défaut de s'en défaire, c'est le fruit défendu, bien lunaire de la guerre. Vivre ou mourir pour une cause est censé. Tu es pour sourire en sang froid mais sans fuir. La classe de l'élégance, manigance dans le tri. Du truc de la cadence, c'est crudent sans un cri. Une cagoule et des gants, passe-moi même quelques balles. Si tu crois qu'on plaisante, qu'est-ce bien c'est quoi les balles. Une cagoule et des gants, passe-moi même quelques balles. Une cagoule et des gants, passe-moi même quelques balles. On s'en parle, quelques balles. On s'en parle, quelques balles. On s'en parle, quelques balles. On s'en parle. Te demande bien qui c'est, hein. Si on te demande, tu dis seulement tu ne sais pas. Demande-toi seulement pourquoi cagouler sur ces gars. Pourquoi cagouler sur ces gars. Tu te demandes bien qui c'est, hein. Si on te demande, tu dis putain moi je sais pas. Demande-toi putain pourquoi calibrer sur ces gars. Pourquoi calibrer sur ces gars. Pour aller chercher nos ailes. Les bandits bandent bandes sur nos armes qui riment avec cagouler. Pour brailler tes gueules. On veut tous le même survêt que Tarantino Zay. La cause était trop chère, il fallait pour se faire bouger des bêtes de meufs. Mais vous, sont tous capotés. Un trip élégant, un trip élégant. La cagoule élégant, la cagoule élégant. Cagoule éganté, cagoule éganté. Éganté, éganté, éganté. M.O. Chez nous le crime commence donc, peu importe ton nombre de balles. On s'en balle, balle. On s'en balle, balle, balle, balle. Une cagoule et des gants. Passe-moi même quelques balles. Si tu crois qu'on plaisante, qu'est-ce bien c'est quoi les balles. Une cagoule et des gants. Passe-moi même quelques balles. Une cagoule et des gants. Passe-moi même quelques balles. On s'en parle, quelques balles. On s'en parle, quelques balles. On s'en parle, quelques balles. On s'en parle, quelques balles. La cagoule, élégant, trip élégant qui me rend foufou. Mon négro surtout, y'a graille pour tous. Le moment où je touche, marre pas que le but infite à l'échant. Si t'as l'écran d'aller au charbon, vas-y kill, mais passons les gants, mec. Vend des kills, un peu de yo, mais reste lucide. Ta relance en réseau 10, on graine les mauvaises graines que le système sème. Qui t'a dit qu'ici le 10 on enseigne, faut que tu te renseignes que les types saignent. Le bitume pour des bits, tu mets des carottes jusqu'à bétume. La réalité, je la résume, sans l'aide de personne, on s'assume. Une cagoule et des gants, passe-moi même quelques balles. Si tu crois qu'on plaisante, qu'est-ce bien c'est quoi les balles.